La délégation du Conseil des habitants du département de Nagano du Japon pour la réunification indépendante et pacifique de la Corée, en visite en Corée, a offert un présent au maréchal Kim Jong-un. Le chef de la délégation, Murayama Tomohiko, président du dit conseil, l'a transmis le 7 août à un cadre coréen intéressé.